clair, obscur. Une musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage, en compagnie d'Eros et de Thanatos, à savoir Stéphane et Nathalie ce soir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous, merci à tous de nous rejoindre dans Clair Obscur, vous n'avez pas cédé aux sirènes du foot ou du ciné, ça nous fait plaisir. Et pour vous accompagner ce soir, on sera tous les deux aux commandes pour continuer la soirée rock sur Rage avec une émission un petit peu particulière ce soir, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine, c'est non seulement la fin des soldes, mais aussi la Saint-Valentin. Cette fête qu'on aborde ou qu'on adore, c'est chacun selon ses goûts, chacun selon sa situation aussi. Et nous, on vous propose justement pour soit en rire, soit se venger, eh bien de dépecer avec nous Cupidon ce soir tout au long de la playlist qu'on vous propose. Pendant une heure, et pour commencer, c'était Siouxsie avec le morceau Love in a Void, et moi je pense qu'elle a raison, hein. L'amour c'est du vide, l'amour d'ailleurs ça consiste à remplir du vide. Vous comprenez cette phrase comme vous voulez. Et pour continuer, disais-je... Comment tu nous fais de la poésie ce Attention, soir, camarade ouais. Comme disaient des proches, hein, je vais laisser la place à mon philosophe préféré, heureusement qu'il nous reste la poésie et le cul. Et justement, pour continuer dans cet ordre d'idées, eh bien, je vous propose une reprise d'un morceau de Lio qu'elle avait chanté en 1981, Amoureux solitaire, par le groupe Cheeky Boom. mystère dans une délire. Amour imaginaire après tout que nous importe. Que nos nuits aient l'air d'un film. Parfait. Parfait. Nice shoes. Wanna fuck? La voix est un petit peu moins acidulée que celle de Lio il y a 30 ans, mais elle est aussi au perché. À l'instant, c'était une reprise que j'aime bien d'un groupe parisien pas très connu qui s'appelle Cheeky Boom, comme la chanson de Niagara. Faut croire que c'est une référence à tous les groupes pop de cette période-là, avec une reprise de Lio, disais-je, amoureux, solitaire. Dans cette reprise, dans cette version un petit peu surréaliste qui dédramatise, enfin qui rend un petit peu moins cucu la praline, le morceau original qu'on a écouté il y a déjà fort longtemps. Et c'était en guise d'introduction à cette émission anti-Saint-Valentin ou spéciale Saint-Valentin ? Non, anti-Saint-Valentin. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Oh, je crois pourquoi es-tu si méchante ? Pourquoi je suis si méchante ? Bah, c'est une fête que je trouve pas inutile, parce que pour moi il n'y a pas de fête inutile, mais pour moi c'est commercial. Ça tombe dans une période creuse, donc il fallait l'alimenter. Et en plus, je trouve que c'est particulièrement cruel pour les gens qui sont seuls, parce que déjà, ça leur rappelle doublement dans la tronche qu'ils sont tout seuls et qu'ils n'ont personne à chérir. Et pour ceux qui sont en couple, ils sont en quête du cadeau, parce qu'il faut paraître, il faut acheter un truc au moment donné. Je trouve totalement stupide. Pour moi, quand t'es en couple, t'as pas besoin d'une date, d'un saint qui est mort bouffé dans l'arène. Il y a je sais pas combien de siècles pour célébrer la personne que t'aimes. Sans doute, mais d'un autre côté, les nanas qui disent que la Saint-Valentin c'est une fête qui sert à rien, etc., quand elles sont seules, l'année d'après ou deux ans plus tard, quand elles ont un copain, elles trouvent ça absolument scandaleux que le mec se bouge pas un peu plus le cul pour leur trouver un truc génial, genre un diamant ou alors un bouquet de 220 roses. Bon, moi je vais te faire mentir alors. Je l'ai jamais fêté et il m'est toujours en plus arrivé que des emmerdes ce jour-là, donc je ne dois pas être oui, une fille mais comme les autres. Attention, c'est une conséquence, pas une cause. Hein. Si tu l'as jamais fêté, c'est justement parce que tu n'avais pas de bol. Désolé, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais même quand j'étais en couple ou même maintenant que je suis en couple, je ne la fête pas, on trouve ça totalement stupide. C'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'à partir de cette fête qui est quand même, ça partait d'une bonne intention, qui est tout à fait mignonne, c'est vrai que ça a été récupéré comme tant d'autres choses par la société de consommation dans laquelle on vit, donc on va pas trop cracher dessus non plus, mais il faut bien reconnaître que c'est la fin des soldes et ça coïncide avec la Saint-Valentin, donc c'est bien une manière de remplir les rayons avec des tas de choses dont on n'a absolument pas l'utilité pour faire tourner le commerce. Ce côté en plus dégoulinant de niaiseries, voilà, aller payer un resto super cher juste parce que c'est le 14... Voilà, enfin, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre. L'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de rites. Et si les amoureux ont besoin d'une Saint-Valentin pour un peu ritualiser leur relation, je trouve ça, alors je dis ça alors même que moi-même je suis célibataire, je trouve ça mignon de toute manière. Évidemment, tout le monde ne peut pas réagir comme moi. Alors, mais chères auditrices, si Stéphane t'intéresse, je donne le numéro, c'est le 06. Alors, on va continuer cette émission avec une playlist consacrée donc, aux conchancetés. Donc, que vous en ayez rien à y foutre, que vous en ayez strictement rien à cirer de la Saint-Valentin, que là, ça vous chagrine dans la poésie, là. Ou que ça vous fasse rire, et bien de toute façon, on vous propose de vous changer les idées avec cette playlist consacrée au petit Cupidon et à ses acolytes ce soir. Et moi, je vous propose de continuer dans le registre des cochoncetés avec une bande d'anglais qui assurait sur scène et peut-être qui assurait aussi sous la couette. Va savoir, toujours est-il que nous, on va écouter le morceau Orgasm Addict.

Quelque chose me dit que ce garçon est énervé. À l'instant, c'était Glenn Danzig qui gueulait. Qui crevait. crève, mon amour. On a tous eu un moment où on a pensé ça. On peut l'avoir dit. Est-ce que vous l'avez fait? Cela vous regarde, mes petits corbeaux. Vous prenez vos responsabilités. Pour de l'engrais dans le jardin, voilà. Pardon? Pour de l'engrais dans le jardin. Pourquoi pas, oui, c'est vrai que... l'écologie. Il y a pas mal d'azote dans le corps, en putréfaction des amoureux en particulier. Et donc, Glenn Danzig, au sein du groupe The Misfits, chantait ça au début des années 80, en 1984. Die, die, my darling. C'était enchaîné juste avant avec une petite citation de Chef dans le fameux dessin animé South Park. Vous l'aurez reconnu, évidemment. Et c'était enfin, juste avant, les Buzzcocks avec le morceau Orgasm Addicts, un morceau qui, lui, datait de 1978, mais qui est toujours d'actualité, je crois. Et comme disaient des proches, toi, tu étais plus... Il y a le cul et la poésie. Allez, toi, tu étais plutôt dans l'aspect cul, hein, on va dire, hein, plus sérieusement. Et bien, moi, je vais faire ma petite fleur bleue, là, allez, le petit quart d'heure optimiste, positif. Tu vois, j'ai dit positif. Ça y est, Oh mon Dieu, t'as dit positif. Voilà, je vais être rayée du mouvement, mais parce que quand même, on peut y croire à l'amour. On peut quand même se dire que Saint-Valentin ou pas, peut-être un jour, les choses se passent bien. Peut-être. Si on a des gros billets dans la poche, puisque ce que tu nous ramènes maintenant, c'est toujours plus facile quand on a des billets plein les poches de trouver l'amour, hein, ça c'est pas un secret. Et c'est un petit peu peut-être le clin d'œil du groupe que tu nous as ramené tout de suite, puisqu'il singe un petit peu la sentence qu'il y a inscrite sur les billets de banque américains « In God We Trust ». Et eux, « In Love We Trust », c'est Kleinox Zymox, et c'est maintenant, c'est dans Clair Obscur. Allez, on y croit quand même un petit peu. We'll be right back.

Bonsoir mes coquins. L'eau vous monte à la bouche, l'écume vous vient aux lèvres, le sang vous bat les tempes. C'est normal, vous avez atteint le point G de la radio, vous êtes sur Rage. Pour atteindre des sommets de plaisir radiophonique, il vous suffit d'effleurer tendrement le petit bouton de votre poste afin de rejoindre la bonne fréquence. Si vous êtes dans le Vaucluse, près de sa fontaine ombragée et ses collines moussues, vous nous écoutez sur le 90.3 FM. Du côté du Gaillard et de l'Héros, du côté du Gard et de l'Hérault, vous pouvez nous rejoindre sur le 102.5 FM. Enfin, pour atteindre le 7e ciel cybernétique, veuillez vous brancher sur le www.rage.fr, le site de la radio sur lequel vous pouvez nous laisser tous vos petits messages cochons. Vous êtes bien, et pour encore une demi-heure, dans Clair Obscur. Et ce soir, alors que la Saint-Valentin approche, il est question d'amour. Allez, je vire un peu cette musique de film de boule, là, même si c'est celle de Serge Gainsbourg, puisqu'on continue dans Clair Obscur avec cette émission anti-Saint-Valentin, avec une playlist un peu consacrée au thème de l'amour et tous ses dérivés bidons qui nous gonflent ou qui nous font rire, c'est selon. Et justement, dans ce thème-là, c'était Nathalie qui nous ramenait les deux morceaux précédents. Les deux morceaux précédents qui, pour moi, illustraient bien le côté Eros et Thanatos, avec en premier Klanox Zymox et In Love We Trust, donc le côté Eros, on y croit encore un peu, et après Blutengel qui vient définitivement nous déprimer avec Love Killer remixé par In Strict Confidence, où là, on sent que c'est fini. Que l'amour, c'est foutu. L'amour qui nous flingue au moins le budget, hein, si c'est pas autre chose. Je suis bien d'accord avec toi, surtout en ces périodes où beaucoup de gens se sentent obligés de faire marcher le commerce parce qu'ils voient des petits cœurs roses un peu partout dans les prospectus qu'il y a dans les boîtes aux lettres. Bref, toujours est-il qu'on vous apprendra rien, mes petits corbeaux, quand on dit que l'amour est plein de clichés cuculapraline. Eh bien, je vais justement sacrifier un cliché ce soir. Il y a 2 ans, je vous avais ramené IM, le groupe de love metal de Villevalo. Le beau gosse vampiresque, pré-Twilight en fait. Voilà, il y a un petit peu de ça. L'année dernière, je vous avais ramené Indochine, et bien cette année, je vais encore tomber dans les clichés pour cette émission Saint-Valentin, puisque je vous ai ramené Cradle of Filth. Qui est quand même moins sexy, hein. Ça, c'est toi qui le dis, regardez les dernières photos, vous verrez le mythe s'effondre. Et bien en attendant, tu as fait partie des minettes qui ont adulé cet homme-là il y a quelques années. Adulé jusqu'à ce que je le vois en vrai, à un concert où il m'est passé devant et équipé avec les chaussures et tout, il faisait ma taille. Et je te jure, ça fait bizarre. Ma frangine m'a fait le même témoignage, en effet, quand il était passé à Marseille. Et donc, Cradle of Filth, qu'on vous a jamais passé, c'est vrai que c'est un groupe controversé pour de bonnes et de mauvaises raisons, à cause en partie de la personnalité de Danny Filth. Je vais pas m'étaler sur le sujet, ça m'intéresse pas. C'est un groupe qui a fait beaucoup de merde, qui a fait aussi quelques bons morceaux, et j'ai attendu un petit peu pour vous en ramener dans Clair Obscur. Et la thématique va bien en plus. En plus, la thématique va bien, et donc je vous ai ramené un morceau relativement récent qui date de 2008. On va écouter ça tout de suite, et on parlait de l'amour qui tue, et bien là justement, la transition est toute trouvée, puisque le morceau ça s'appelle The Death of Love. Her penultimate sighs caught softly on the kindling wind, her saintly eyes filling with tears, lifting with truth, leaving her screams, breaking my heart, and in the grip of fire I knew the death of love. Give out the

dream so sinister. Come as my prince of darkness, even to me. Two different worlds fighting forever. Love at First By, à l'instant c'était Kim Necroman qui chantait dans le groupe Necromantics cette petite balade Psychobilly qui nous emmène tout doucement vers la fin de l'émission qui se profile, cette émission consacrée à la Saint-Valentin qui lui-même se profile la semaine prochaine. C'était enchaîné juste avant, alors une chanson Love at First Bite qui fait penser un peu au thème des vampires, et juste avant c'était un chanteur au look vampirique, Danny Filth, au sein du groupe Cradle of Filth, avec le morceau The Death of Love. Et entre les deux, c'était un petit interlude tiré d'un film que vous aura sans doute vous aussi beaucoup plu. Moi, je ne m'en lasse pas, The Mask, évidemment. Elle est si douce. Ça m'éclate, ouais. Décidément. Mais toi, tu nous ramènes vers des choses un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus douces, Nathalie. Un petit peu plus douces. Alors, si vous n'êtes pas suicidé au rasoir électrique ou si vous n'avez pas tenté de vous jeter du rez-de-chaussée, parce que j'ai vu qu'il y en avait certains que notre petite playlist avait déprimé, il faut pas. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut absolument se déprimer. Eh bien, moi, j'ai envie de continuer avec une artiste que j'aime beaucoup et qui est souvent appréciée du mouvement gothique. Elle a la capacité, pour moi, de parler de tout ce qui est ressenti amoureux et surtout le côté souffrance. À merveille, vraiment. Alors, c'est à ne jamais écouter post-rupture, là, sinon c'est sûr, c'est suicide garanti. Je veux parler de Mylène Farmer, la grande chanteuse Mylène Farmer, autant décriée qu'adulée et qui a quand même mené une sacrée carrière qui continue avec un album tout récent, Bleu Noir, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est un morceau de ce dernier album que je vous propose ce soir. Il se nomme Diabolique, mon ange, le petit côté toujours hein, controversé, à la fois le côté diabolique, le côté angélique. À vous de choisir, Mylène Farmer, dans Clair Obscur. Garde son empreinte, a fui dans

l'instant, vous aurez certainement reconnu mon groupe préféré, Quental, avec le morceau Amoureuse des Arts, qui est une piste sortie de l'album Purpurea, un best-of que je vous conseille si vous ne connaissez pas ce groupe. Si vous ne connaissez pas ce groupe en même temps, c'est que vous n'écoutez pas Clair Obscur, parce que j'ai dû vous passer la moitié de la discographie. Oh oui. Et juste avant, Mylène Farmer avec son morceau Diabolique Mon Ange, issu de l'album Bleu Noir, le dernier en date. Comme quoi, même quelqu'un que l'on peut appeler mon ange peut se révéler diabolique. Elle l'a très bien illustré. C'est rien de le dire que ces demoiselles sont ambivalentes et peut-être en disent-elles autant des messieurs. Voilà, c'était notre émission spéciale Saint-Valentin, anti-Saint-Valentin ou pro-Saint-Valentin. Ça dépend aussi de vous, mes petits corbeaux. Avant de se quitter, on va s'annoncer quelques concerts où vous pourrez aller de toute façon pour vous changer les idées ce week-end. Samedi, vous aurez notamment deux dates. Une à près de Marseille, au local, à La Penne-sur-Yvonne. Vous aurez le groupe Bad Trip, le groupe Metal Indus marseillais, qui sera en concert au local, donc samedi soir. Et du côté d'Avignon, le même soir, vous aurez le groupe Nîmois, le clan Edison, qui jouera au Clash Bar. Le Clash Bar, c'est rue des Lys, ce pub rock qui existe depuis un petit peu moins d'un an et qui programme des tas de petits groupes indés de la région. Donc ça vaut le coup d'aller faire un tour si vous êtes sur place. Et puis, plus en plus, si vous êtes seul, avec un peu de chance, peut-être que vous ramasserez une roqueuse, peut-être que vous rencontrerez l'âme sœur. Allez savoir. En tout cas, nous, on est bien contents d'avoir passé cette émission avec vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pour conclure cette émission sur cet enfoiré de Cupidon, eh bien, j'ai envie de dire hein, qu'après tout, l'amour est enfant de bohème, qui n'a jamais connu de loi. Hein. Ne me demande pas de le chanter, par contre. Hein. Non, mais je crois qu'on connaît tous ces stances de Georges Bizet, qui ont été magnifiquement interprétées par Maria Callas, La Banera de Carmen. Je pensais que c'était le morceau tout désigné pour conclure cette émission. Je vous propose de nous quitter avec ça. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Bonne nuit. N'a pas de bien autre santé. Tout ça pour vous dire que je vais vous trouver des garçons, les filles. Moi, je vais vous trouver des maris, les filles, et je vais surtout vous apprendre à ne pas avoir l'air trop cloche quand on rencontre l'homme de sa vie. Voilà. Alors, on n'est pas que des dragueuses pourries. Et cette année, vous allez être in love. Voilà. Alors donc, les filles, il est là. Il est prêt à bondir sur votre slip. Et donc, enfin, c'est ce que vous espérez, hein. Mais, il va falloir assurer les filles, hein. On vous appelle évidemment la 10, le nom de cette autoroute qui traverse la Beauce, tellement vous êtes plate. Donc forcément, c'est pas avec votre bonnet A que vous allez comme ça. Alors, donc on va la pâter, cette petite sardine, on va la pâter par sa voix. On va opter pour une voix de cochonne. Oui. Une espèce de Fanny Ardant qui aurait mangé la cicciolina, vous voyez. Avec l'accent allemand, ça marche toujours. Je sais pas pourquoi, quand on a l'accent allemand, on est un peu sexy comme ça. Pour avoir une voix de cochonne, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, les filles. On n'est pas des touristes et tout ça. Donc, on va chez le poissonnier et on lui dit d'emblée, il sera enchanté d'entendre cette voix qui est du Mintel Rose de son enfance. Bonjour, je voudrais la morue. Oh, il n'y en a plus. Oh, mais j'ai pris des moules alors. Voilà. Ça marche toujours. Pour pêcher, il n'y a rien de mieux. Mais revenons-en à nos moutons. Une fois qu'on l'aura harponné avec nos cordes vocales, forcément, il va falloir qu'on l'emmène chez nous. La semaine prochaine, je vais vous apprendre à fidéliser la marchandise, comme on dit dans la téléphonie. Enfin, je vais vous apprendre, surtout à garder l'homme qu'on a ramené à la maison.